KCW. Explosion urbaine, inspiration malsaine. De retour après tant de blancs, squatté tant de bancs. Attention, c'est sérieux, je vais pour représenter et je vais tout faire déjanter. Ma vie n'est pas un fleuve tranquille, mais une mer agitée. Je vis dans un monde irréel, entouré de balances et de mines ouvrières. Aujourd'hui, ça ne va pas mieux qu'hier. Toujours avec mon joint et ma bière. Je récite pas de prière, j'attends le moment crucial avant ma mise en pierre. Dans le besoin, l'humanité est en train de s'écrouler. Mais Sarko préfère qu'on arrête de piller. Piller quoi? On n'a rien que quelques billets. Juste pour montrer qu'on existe, pour pas qu'on nous oublie. Avoir des souvenirs importants si on veut s'en sortir. Sortir d'où? D'accord, mais aller où? J'en ai marre de toujours traîner dans la boue. Ça me rend fou, je suis toujours dans les choux. Bientôt je deviendrai fou. Je pourrais plus me contrôler, obligé de m'enfermer. Ou ça fera un de plus qui sera tué. Le groupe est ancré solidement.